Des forts, des gros canons et des gros obus. Boum, badaboum, c'est la guerre. Du coup, on s'est réunis autour d'un verre. On a parlé à Réhistoire. Et on en a fait un podcast. Bienvenue sur Godéamus. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godéamus, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire. Alors ce soir, en ma compagnie, le grand, le beau Arne. Bonsoir Mathias, par contre vraiment je te trouve bien trop jovial pour le sujet que nous allons traiter ce soir. Évidemment, ça n'est que la joie de te revoir et de pouvoir boire une petite bière en ta compagnie qui me met dans cet état, bien évidemment. C'est beau, c'est beau. Ok, ben bonsoir Mathias. Ben bonsoir. Comment vas-tu? Ben écoute, je vais très bien. Je suis très heureux d'être ici en ta compagnie. Moi aussi. On part en plus ce soir en Allemagne. C'est beau. Enfin, c'est l'Allemagne qui vient à nous. C'est l'Allemagne qui vient à nous. Au propre comme un figuré. Ben, ouais, non. Plutôt figuré, tout simplement. Ouf. Donc on va vous parler d'un canon un peu particulier hein, qui s'appelle la Grosse Bertha. Et d'une bière. Et d'une bière qui porte le même nom. Exactement. Ça tombe bien. On va d'abord vous parler du contexte hein, qui a amené la réalisation d'un canon comme celui-là. On va vous parler ensuite de l'évolution des défenses. On va vous parler un petit peu de la bière qu'on va déguster ce soir. Puis on va vous parler de ce fameux canon à proprement parler, donc la Grosse Bertha, la Dicke Bertha. Peut-être que tu as un meilleur accent que moi, Arne. Dicke Bertha. Ok, c'est pratiquement pareil. C'était moi, non, j'ai fait 2 ans d'allemand. Ah ouais, ça s'entend, hein? Ça s'entend. Des magnifique. Super fort. J'ai déjà soif. Voilà, moi aussi. Qu'est-ce que tu penses de commencer directement par expliquer à quelle époque on se trouve? Mais oui, alors, la Première Guerre mondiale, tout le monde connaît entre-temps, 1914-1918. L'histoire qu'on va vous raconter ce soir commence bien au 19e siècle. Donc il faut savoir qu'il y a deux côtés, à ce conflit, bien sûr. D'un côté, on a la Triple Alliance, qui est une alliance de l'Allemagne qui s'est unifiée après 1871 et la terrible défaite de Sedan. Les Français s'en souviennent encore. Avec l'Autriche-Hongrie également, alliance avec l'Autriche-Hongrie, qui est donc ce grand empire déjà très ancien, avec à leur tête des Habsbourg. Si jamais ça vous dit quelque chose, c'est normal, on a déjà parlé des Habsbourg. Et l'Italie, mais qui quittera un moment cette triple alliance au début du conflit. Et de l'autre côté, on a la triple entente, donc qui est une alliance de l'Angleterre, la France et la Russie. Et en gros, tous ces beaux gens-là, toutes ces belles personnes, vont faire une course à l'armement absolument terrible pendant des années. Ils vont faire plein de traités à gauche, à droite pour se dire « Oui, mais si toi tu tapes sur la gueule de celui-là, du coup je rentre en conflit. » Enfin bon, bref, tout ce beau monde va à un moment commencer à se taper sur la gueule suite à l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc Franz Ferdinand, comme le groupe du même nom. Qui revient en concert en plus. Ah, qui revient en concert, voilà. Mais bref, donc oui, c'était le 28 juin 1914, et puis en gros, ce qui se passe, c'est que l'Autriche-Hongrie dit à la Serbie, dont provient l'assassin, pays de provenance, pardon, de l'assassin, remettez-nous l'assassin, ou nous envahirons, en faisant vachement simple, ça plaît pas à la Russie, ça plaît, enfin bon bref, au fait, à un moment, il y a un jeu d'alliance terrible qui se met en place, et tout d'un coup, il décide de rentrer dans un conflit globalisé. Il faut savoir que notre petite Belgique est neutre à l'époque, étant donné que on a une neutralité qui est déjà très très très ancienne, qui a été décrétée dans 2 traités en 1831 et en 1839, qui est garantie par les grandes puissances, l'Angleterre et plein d'autres. Sauf que les Allemands, ils rentrent par la Belgique et donc ça fout la merde. Et voilà. Bon, on s'y attendait un petit peu hein, quand même. Alors, il faut savoir que cette course à l'armement, en fait, c'est la conséquence hein, de plusieurs conflits et puis d'une peur grandissante à l'époque de voir en fait une guerre européenne éclater, ce qui arrivera effectivement en 1914. Et il faut savoir que cette course à l'armement, elle va se passer sur les mers, mais elle va se passer aussi sur les terres. Il faut savoir que sur les mers, c'est l'Angleterre hein, qui, euh, qui tenait le haut du pavé à l'époque, en fait, elle appliquait ce qu'on appelait le Two Power Standard. Donc, c'est-à-dire que le nombre de navires de guerre anglais devait être égal ou supérieur au total des deux puissances juste en dessous d'elle. Donc, à l'époque, c'était la France et la Russie. Alors, deuxième point, hein, c'est l'armement de ces troupes terrestres. Alors, l'Allemagne est entourée par la Russie et par la France, hein, qui sont alliés, donc ils vont décider de se protéger efficacement. Et puis, quand ils vont remarquer que le programme naval ne va pas trop marcher, ils vont un peu abandonner cette optique-là. Et ce qui va très bien marcher pour les Allemands, eh bien, je vous le donne en mille, c'est l'artillerie. Hein. Donc déjà, face à Napoléon, ça avait marqué parce que les Allemands utilisaient des obus plutôt que des boulets et que les canons se rechargeaient par la culasse et non plus par la bouche. Donc, ils vont encore plus moderniser leurs armes. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment l'artillerie qui va marquer les esprits à l'époque. Alors, en France, il y a quand même un petit retard par rapport à l'artillerie lourde allemande. Et l'Angleterre va aussi essayer de développer son artillerie, mais de manière beaucoup moins forte que les Allemands. Alors... Évidemment, il faut faire plus d'armes, mais il faut aussi renforcer les effectifs. Donc, on va se retrouver avec plus d'impôts pour avoir beaucoup d'argent parce que toutes ces pièces d'artillerie coûtent excessivement cher. On en reparlera un petit peu plus tard. Et le service militaire va devenir également plus long. L'idée générale qui règne, hein, c'est que la guerre, ce sera une guerre qui sera courte et qui va rendre victorieux le pays vainqueur par une grande bataille. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les forces en jeu pour cette grande bataille. Et pour l'Allemagne, l'idée, ce serait de d'abord écraser la France, qui peut mobiliser très rapidement ses troupes, et puis ensuite se tourner vers la Russie. Russie qui est en train de s'industrialiser également tout doucement, et donc la peur pour l'Allemagne, c'est de voir cette Russie trop avancée dans son industrialisation. À propos des impôts, hein, donc le budget militaire de l'Allemagne va augmenter de 250% de 1905 à 1912. Et comme d'habitude, les socialistes vont s'opposer à cet armement massif, en considérant que finalement ce sont encore les travailleurs du monde qui vont être perdants dans toute cette aventure. Pour le coup, ils ont quand même raison. Et tout à fait. Vu que les travailleurs vont se faire massacrer pendant 4 ans. En effet, Mathias, tu l'as dit, ils veulent une victoire rapide, sauf que pour contrer une victoire rapide, on fait plein de forts un peu partout. Et donc maintenant, c'est un peu l'occasion de parler des forts et de dire pourquoi, au fait, est-ce qu'on a développé une grosse Bertha ? C'est pour justement s'attaquer à des forts bien spécifiques. Et ce dont nous, on va vous parler ce soir, c'est les forts en Belgique, vu qu'on s'intéresse quand même fort à la Belgique. Ça fait deux fois fort, c'est pas grave. Comment est-ce que c'est organisé ? Comment est organisée la défense en Belgique ? Au fait, on avait déjà un vieux réseau de forts qui datait de 1815, en gros pendant la période hollandaise, toute une série de forts qui avaient été remis au goût du jour, qui allaient de Nieuport à Bouillon, c'était surtout contre la France, mais dès l'indépendance de la Belgique, tous ces forts deviennent obsolètes. Et donc il faut arriver avec un nouveau plan, et notre bon roi Léopold Ier, en 1851, on se dit « Bon les gars, il faut quand même qu'on réfléchisse un peu, il nous faut quelque chose de neuf. » Et alors on se dit « Ok, tu sais quoi, on va concentrer la défense sur une ligne entre Namur, sur la Meuse, entre Namur et Liège, et on va faire ce qu'on appelle un réduit national, c'est-à-dire l'endroit où toute la Belgique sera ensemble et défendue à Anvers. » Donc tout ça va prendre énormément de temps. Ils vont commencer par faire toute une série de forts à Anvers. Et puis, on en a déjà un peu parlé, mais tant la France que l'Allemagne, non seulement ils s'arment, mais ils se défendent aussi. Et ça fait que, du coup, si on veut éviter une confrontation vraiment directe entre les deux, le passage par la Belgique, il devient un peu obligatoire. Ça devient obligé. Si tu veux bouger une grande armée, tu passes par la Belgique. C'est ce qu'ils ont fait une fois en 14 et une autre fois en 40. C'est normal, ils ont l'habitude, en gros. Puis il y a très peu d'obstacles naturels, en fait. Voilà. Il y a une petite forêt d'Ardennes, mais... Qui va avoir son importance à la Deuxième Guerre mondiale. Mais... Ouais, tout à fait. Mais voilà, donc ça devient un passage obligé. Et donc, à partir de précédent, donc après 1871, donc les deux grands ennemis s'arment, se défendent aussi. Et donc, on va décider de nous-mêmes, enfin nous-mêmes, on va décider en Belgique de fortifier. Et il y a un plan qui sera confié à un ingénieur qui s'appelle Brialmont, qui est surnommé le Vauban belge, parce que voilà, un Vauban, ça reste la référence pour construire des citadelles et des défenses, pour ceux qui ne le savent pas. Amis français, bonjour. Donc en 1087, on vote une loi, on dit « Ok, il faut absolument construire toute une série de forts ». Et donc on va les construire en 1888 et 1891. À Namur, on va faire des forts qui seront vraiment, qui auront pour objectif de se défendre d'une attaque venant de la France, parce que voilà, la France aussi pourrait envahir. Hein, ici, voilà, en 14, c'est peut-être l'Allemagne qui envahit, mais l'autre scénario aurait tout à fait été possible. Et à Liège, le but, c'est donc de se défendre par rapport à l'Allemagne. Alors, ça ressemble à quoi ces forts ? En fait, c'est des ceintures de forts, donc qui vont vraiment le long des, qui font un rond autour de la ville. Dans le cas de Liège, il y aura 12 forts qui seront construits, dans le cas de Namur, 9 forts, et à Anvers, je ne sais pas le nombre, il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'il y a carrément deux ceintures de forts, mais bon, c'est notre, donc, notre repli national, là où nous devons donc aller si jamais les choses se passent mal, et bien sûr, vous l'avez deviné, elles se passeront très très mal. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble, ces forts ? C'est des ouvrages de triangulaires ou quadrangulaires qui sont un peu enfoncés dans le sol. C'est fait en béton. C'est pas du béton armé et ça aura aussi son importance parce que voilà, le béton armé, c'est ce qu'on voit en Normandie, hein, c'est ce qu'on voit le long de la ligne Maginot. Ces trucs super solides qui sont impossibles à percer. Mais là, à l'époque, c'était du béton de plus ou moins 2,50 m d'épaisseur. Au-dessus de ça, ils mettaient encore une bonne couche de terre de 3 mètres. Bref, c'était des trucs qui étaient quand même assez solides. Ces forts, ils doivent être quand même assez éloignés de la ville parce qu'on ne veut pas que les villes soient bombardées. Mais en même temps, ils doivent pouvoir céder l'un l'autre. Donc, il faut qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres. Mais voilà, donc il faut qu'ils puissent se tirer assez loin et qu'ils puissent s'entraider. Donc, si jamais il y a un fort qui tombe, les deux autres peuvent le canarder. Bref, tout ça est assez bien fait. Mais bon, ça date du 19e siècle. Il y a toute une série de choses qu'on ne va pas construire comme des lignes téléphoniques pour communiquer entre les forts ou de la ventilation. C'est pas mal la ventilation, ça permet de respirer. Donc voilà, c'est toute une série de choses qu'on va pas construire, mais ça, on verra en quoi ça a son importance juste après. Alors pour abreuver nos gosiers asséchés, je propose de déjà déguster la bière. C'est une excellente idée, parce que c'est vrai que la Grosse Bertha va rentrer en action dans pas longtemps, donc autant la boire. Donc la Grosse Bertha, c'est une bière du Brussels Beer Project. C'est une brasserie qui existe déjà depuis un bon petit temps maintenant, qui est très fort en communication, qui est surtout connue pour par exemple la Delta ou pas pour la Jungle, la Babylone aussi, qui est faite à partir des morceaux de avec le pain. Rassis, enfin. Tu es bon comme sec, le pain. Avec le pain sec. C'est ce qu'on me dit souvent. On les reconnaît avec leurs étiquettes assez minimalistes, hein, souvent avec deux ou trois couleurs. Ouais, comme tu disais, la com marche super bien. Alors, c'est quand même marrant, ça s'appelle Brussels Beer Project. Enfin, bon, ils sont installés depuis très très peu de temps à Bruxelles en tant que vraiment brasserie productrice, avant FC Brasserie par d'autres. Mais voilà, donc c'est. C'est en effet devenu une brasserie bruxelloise et on va déguster ça. Alors on va déguster ça. Alors d'abord on vous invite hein, à faire de même de votre côté. On lève notre verre. À ceux qui n'en ont pas. Tu la feras à chaque épisode. C'est la première fois que tu dis on lève notre verre. C'est vrai. Il faut croire que la chanson m'a marqué. Alors on la sent. Hein. Alors, elle sent assez bon. Elle sent vraiment. Et ben elle est assez agréable. Moi, j'aime bien aussi. Est-ce qu'un fruit te viendrait à l'esprit ? Alors on parle volontiers d'arôme de banane. Maintenant que je l'ai dit. Ouais, non, mais c'est toujours pareil quand on goûte des bières, quand on fait une dégustation de bière, dès que quelqu'un dit quelque chose, il est ah ouais. On parle de banane, de clou de girofle, de coriandre ouais. Et d'agrumes. Ouais, oui, non, mais oui, c'est vrai. Coriandre, ouais complètement. Et j'aime bien sur l'arrière-goût, il y a un petit, c'est un tout petit peu amer, vraiment c'est très léger, mais c'est assez chouette. Alors elle est pas trop lourde. Elle passe plutôt bien. Elle est pas trop forte. C'est une bière agréable. Fait donc 6,5% en alcool. Non, mais ouais, elle est bien. Franchement, bien joué, BBP. Oui, c'est vrai, elle est sympa. Alors, à l'aspect aussi, elle est assez trouble. Et ça, ça tient du type de bière et qui donne justement son nom à la bière, la Grosse Bertha, pour son côté allemand. Parce qu'en fait, c'est un mélange entre une triple et une Hefeweizen. Hefeweizen. Okay, oui, voilà. Ah, tu vois mes deux ans d'allemand. Voilà, tu vois, ça sert. En tout cas, ce côté trouble, c'est vraiment lié à ce type de bière. Elle a une belle mousse. Elle est assez... assez douce, je trouve, assez sympathique. C'est un type de bière, en fait, trouble. C'est ces bières-là qui avaient été interdites pendant tout un temps en Allemagne. Et en fait, c'est le tout premier type de bière à mériter une exception par rapport à cette loi qui prenait la basse fermentation et des bières, la Pilsner, hein, comme on la connaît. Donc oui, une bonne bière qui passe bien, pas trop lourde, assez agréable, toute saison. Donc ouais, très sympa. Une bonne bière pour parler d'une arme de mort, en fait. Alors la Grosse Bertha, pourquoi est-ce qu'on parle de Grosse Bertha? Déjà, qu'est-ce que c'est la Grosse Bertha? C'est un canon. C'est un canon. Développé par une entreprise très spécifique. La Krupp. La Krupp ou Krupp. Mais je sais, oui, c'est vrai que je ne sais pas si c'est Krupp ou Krupp. Enfin, ça dépend de Umlaut. On va faire des cours d'allemand ce soir. Alors, juste pour que vous situiez les Krupp, je ne sais pas si vous avez déjà pris un ascenseur de nos jours, mais si vous voyez ThyssenKrupp, ben, c'est la même famille. Enfin, c'est juste qu'il y a eu plein de fusions entre-temps, mais ça existe toujours, l'entreprise Krupp. Donc, ils faisaient des armes, ils sont très gentils. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient très gentils. Deuxième Guerre mondiale, encore plus gentils, je vous passe les détails. Et maintenant, ils font des ascenseurs. Bah moi, je ne vais pas trop passer les détails. Je vais quand même ramener une mini chronologie. Hein, donc, ah, merci Mathias. Voilà. Un peu de sérieux quand même. Il faut bien situer un peu les choses. Donc, c'est fondé au début du 19e siècle. Au début, c'est une forge pour produire de l'acier. C'est fondé par Friedrich Krupp. Krupp. Puis ensuite, c'est Alfred hein, qui va rendre ces aciéries comme étant le plus gros complexe d'aciéries du monde, et ça va très bien marcher, surtout à partir où ils vont faire des canons et des blindages hein, dès 1859. Le marchandage d'armes, ça fonctionne toujours très bien. Ouais, ça, un secteur qui ne connaît jamais la crise. Bah ça va leur réussir pendant à peu près 100 ans, parce qu'après Friedrich, c'est Alfred qui s'est lui assez lié à Guillaume II hein, et qui va donc être lancé dans cette fameuse course à l'armement dont on vous a parlé. Lui va mourir en 1910, hein, donc un petit peu avant la guerre. Et donc ce sont ses filles et sa femme qui vont devenir héritières de la compagnie. Ça a très bien marché durant la guerre. Et puis après, bah, le fils de Bertha, donc sa fille héritière, bah, lui il sera SS hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah bah c'est ça ce que je disais, c'était très gentil. Tout à fait, et d'ailleurs bah, finalement ça existe encore, hein. Ils ont été rachetés tout simplement. C'est beau, et ils font des ascenseurs. Ils font des ascenseurs, en sachant que l'autre marque d'ascenseur c'est Schindler. Oui, voilà, tout à fait. Non, mais c'est dingue le nombre d'entreprises tout le nombre de marchands d'armes de la Seconde Guerre mondiale qui vivent encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire en tant qu'entreprise, hein. Personne morale bien entendu, pas physique. Tout à fait. Et du coup, tu as déjà dit que la fille s'appelait Bertha, mais c'est vrai qu'ils ont une petite tradition chez Krupp, c'est qu'ils nomment leur canon d'après des membres de la famille de Krupp. Toujours très sympa hein, de savoir que vos enfants ont tué des milliers de personnes. Une vraie legacy. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est la Grosse Bertha? Et ben, en fait, c'est un obusier hein, qui fera 42 cm de diamètre, hein, pour vous donner quelques mesures. Ce canon, il est développé au début du XXe siècle, donc dès 1906, et qui va, en fait, enfin, donc le gouvernement allemand demande, Mathias en a déjà parlé, enfin tu en as déjà parlé, Mathias, cette course à l'armement, et on a parlé tantôt d'efforts, et du coup, le gouvernement allemand, il se dit, il faut trouver des canons qui soient assez intéressants pour percer ces forts. Ils vont essayer de trouver plein de choses, et Krupp de son côté, ils vont développer en secret. Un truc qu'ils appellent au nom trompeur de Kurzmarinekanon. Donc, si on traduit ça en français, ça fait canon de marine court. Donc, une appellation complètement trompeuse pour un truc au fait, qui va être assez gigantesque. Et ce qui intéresse donc le gouvernement allemand, c'est de percer ses forts, mais aussi de le faire à une longue distance, ce qui fait qu'on est hors d'atteinte de ses forts, et donc il faut que ce soit des canons qui portent à 7 km. Alors le terme, il vient quand même du fait que ce sont des canons de marine, en fait, qui sont adaptés aux batailles terrestres. Hein. Mais ils sont tellement gros, de base, qu'on va pouvoir les acheminer uniquement par train. Voilà. Et donc l'envie va être d'amener un autre type d'obusier à ce moment-là, un peu plus court et plus facilement transportable. Donc il y aura deux modèles, hein. On va parler du M42 pour les 42 cm de diamètre. Il faut imaginer que ça fait 10 mètres de long, le canon, donc c'est quand même pas rien. Ça pèse 43 tonnes, c'est énorme. Ils peuvent tirer que 10 coups par heure. Donc il faut au moins 10 minutes à chaque fois pour le recharger, et c'est une portée de 10 km. En fait, selon l'obus qu'on va charger intérieur, ça va être plutôt 13 km, parce qu'on va pouvoir y mettre des obus de 400 ou de 830 kg. Alors j'ai regardé, c'est à peu près le poids d'une Peugeot 206. Donc vous imaginez, on charge une Peugeot 206 dans un canon et on le tire à 10 km. À la base, tu l'as dit, hein, c'était des canons montés sur des wagons, sur des trains. Bon, c'est pas très pratique parce que, en gros, il suffit qu'on détruise les chemins de fer et c'est foutu, tu sais plus tirer. Et donc, avec ce fameux canon Grosse Bertha, ce camion Krupp, ils vont faire un train d'artillerie, mais qui ne sera pas monté sur des rails, mais sur des roues. Et ce sera transporté non pas par une locomotive, mais par une locomobile. Et donc, comme l'a dit Arne, hein, le but, c'est vraiment de percer hein, les 3 mètres de béton des fortifications, ainsi que les tourelles en acier des fortifications françaises. Alors, je n'ai pas précisé, hein, le nom complet de l'usine d'armement, c'est Bertha Krupp von Bocklein und Albach. Voilà, on fait comme on peut. Et on n'a pas dit, ça se situe à Essen. Et donc, comme on l'a dit, ça va être baptisé du nom de la fille de Krupp, hein, qui s'appelle, on va l'appeler la Dicke Bertha en allemand. Et donc sa première action, finalement, ça va être le 12 août 1914 au fort de Pontis lors du siège de Liège. On l'a dit, les Allemands donc passent par la Belgique pour aller attaquer la France. La première attaque se passe en Belgique, à Liège, et les Allemands vont se dire « Allez, on y va, on fonce, on attaque le centre, il n'y a pas de problème. » Bon, le seul problème, c'est qu'ils avaient un peu sous-estimé le nombre de défenseurs à Liège, mais ça, c'est pas grave, c'est normal, on sous-estime toujours Liège, c'est une grande ville. Mais il y en avait 5 fois plus, hein, je crois. Que il y en avait 50 000, c'est pas mal. Et donc, ils vont faire une petite attaque surprise, entre le 5 et le 6 août, ils y vont, ils préparent pas d'artillerie, aucun problème. Et c'est là que les forts vont se montrer assez efficaces, vu qu'ils vont tirer en gros sur les troupes qui attaquent, vont très très bien fonctionner. Il y a un certain Ludendorff, un mec pas très connu, qui va quand même réussir à passer, qui va directement vers le centre de Liège. C'est vraiment assez confus, c'est quand même cette bataille, parce que les Allemands arrivent au centre, mais au fait, tous les forts aux alentours, ils sont encore intacts. Et la population croit que les soldats allemands sont des soldats belges. Oui, parce que voilà, à l'époque, il n'y a pas Internet, hein. Il n'y a pas Facebook. Donc on ne sait pas qui est qui. Il n'y a même pas de ligne téléphonique entre les forts. Ouais, franchement, enfin, ou télégraphique plutôt. Télégraphique, pardon. Mais oui, non, tout à fait. Et donc ça va être un peu le bordel. Les Allemands donc, vont se faire quand même assez fort décimer, mais ils vont quand même arriver à occuper la citadelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la citadelle de Liège, il y a un hôpital maintenant, c'est sur les hauteurs. Mais donc ces forts sont toujours intacts, et là les Allemands vont quand même se dire « Ah merde, au fait ça fonctionne pas très bien notre offensive », et donc ils vont mobiliser beaucoup plus de monde, et ils vont mobiliser la Grosse Bertha. Mais d'ailleurs c'est étonnant en fait d'avoir tenté d'attaquer les forts sans utiliser cette artillerie qui était faite spécifiquement pour percer les défenses des forts, notamment belges. Mais comme tu le disais, il y a quand même ce truc de on pense avoir une victoire rapide. Il y a tout un plan, vous passez les détails, il y a tout un plan Schlieffen pour qui est censé aller très rapidement. Bah, tout ça va foirer, entre autres, grâce ou à cause des forts. Mais donc voilà, donc le 12 août, on va commencer vraiment le bombardement. Il va falloir vraiment s'attaquer aux forts un à un. Et c'est vraiment les bombes qui vont venir à bout des forts de Liège, qui le dernier tombera le 16 août, assez rapidement. Il faut imaginer que c'est hyper impressionnant, hein. C'est des obus qui sont énormes, les détonations sont terribles. J'imagine la peur des soldats à l'intérieur des forts. Et, Et tantôt, on parlait du pas de bol, le manque de ventilation. Bah, souvent, en fait, c'est même pas que les forts sont complètement détruits, mais c'est qu'il y a vraiment, il y a des pièces dans le fort ou des explosions dans certaines salles qui font que l'air devient irrespirable et donc on est obligé de sortir et on ne sait, voilà, on ne sait plus y aller. Donc, le 16 août, Liège tombe. On glorifie dans la propagande à la résistance héroïque de Liège. Oui, parlons du fort de Lonsain hein, qui explose complètement parce qu'un obus va toucher un magasin à poudre et l'entièreté du fort va exploser. On a 350 soldats hein, qui vont se retrouver coincés sous les décombres et donc ça va devenir une espèce de nécropole officielle et un lieu de pèlerinage. Donc après Liège, on s'attaque à Namur, donc entre le 18 et le 25 août, donc c'est 8 jours de siège. Là aussi, bah, c'est exactement pareil. En gros, on amène les grosses Bertha. Il y a également d'autres canons un peu plus petits, mais les seuls qui ont vraiment fait des dégâts, c'est la grosse Bertha et puis un autre canon à peine plus petit. Donc voilà, c'est dire, il faut, voilà, il faut vraiment sortir l'artillerie lourde pour venir à bout de ces forts, mais c'est vraiment exactement pareil. On bombarde un peu les forts un à un. On essaye quand même les Allemands essayent quand même de faire quelques assauts, mais qui vont échouer. Donc là aussi, bah, les forts en soi, ils vont réussir le rôle pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire empêcher les assauts. Il faut quand même savoir que le but, c'est quand même de retenir l'assaillant le temps que l'armée arrive, que l'armée de campagne, comme on appelle ça, arrive et chasse le méchant ennemi. Mais voilà, tout ça foire. Mais n'oublions pas que par contre, il y a une propagande hein, des deux côtés. Du côté des Allemands, bah voilà, tout se passe très bien, tous les forts tombent. Et du côté des Français, bah évidemment, et du côté de la Belgique, hein, c'est le courage des Belges qui arrivent à retarder l'avancée allemande et que finalement, quelques jours de délai dans leur avancée, bah, c'est déjà une victoire en soi pour les Alliés. Le retard, ils arrivent quand même à le faire, vu que ça permet quand même, la résistance des forts permet d'évacuer l'armée de campagne qui va pouvoir du coup repasser en France, reprendre le bateau au Havre et du coup aller vers donc ce repli, ce réduit national, vers Anvers. Et là, bah, Anvers, on commence à concentrer les troupes le 4 septembre et ça prend vraiment énormément de temps parce que, en fait, pendant qu'Anvers est défendu, du coup, l'Allemagne doit mobiliser quand même pas mal de monde pour l'attaque d'Anvers. Et c'est du monde qui va manquer, notamment à la célèbre bataille de la Marne, amis français. Vous connaissez très bien avec ces fameux taxis. Donc voilà, ça c'est un épisode bien connu, mais clairement, donc, une bataille qui, du coup, bah, sera amputée de je pense, si j'ai bien lu, 250 000 soldats allemands qui n'ont pas pu participer parce qu'ils ont dû participer au siège d'Anvers. Alors, on vous parle donc de ces forts hein, qui vont tomber. En fait, c'est intéressant de se dire qu'ils sont obsolètes au niveau donc, du matériau. On est sur du béton et pas sur du béton armé. Mais il y a quand même eu une marge qui a été calculée hein, de réserve par rapport à la dimension des murs. Donc, ça va faire qu'ils vont quand même tenir un peu plus que prévu. Finalement, les galeries, elles, par contre, ne vont pas être souterraines. Donc, ça va quand même poser pas mal de problèmes. Et comme l'a dit Anne, c'est surtout la ventilation en fait, qui va finir par poser problème. Un souci qu'il n'y aura pas du côté des forts français. À Verdun, en tout Oui, cas. c'est ça, à Verdun, parce qu'il y a quand même d'autres forts qui vont. Oui, Maubeuge va tomber. Voilà, Maubeuge va tomber. Mais en effet, oui, voilà, c'est un souci qui sera réglé. Allez, ces sièges, ils vont apprendre beaucoup de choses et ils vont changer la donne en termes de construction de forts. Et après, bah, le meilleur exemple, c'est toute la ligne Maginot qui a été construite, très fortifiée, avec une communication excellente entre tous les forts. Je pense que j'ai jamais dit autant fort de ma vie. C'est très fort de ta part. Déjà, il faut se dire que effectivement, les grosses Bertha vont commencer à atteindre leurs limites, hein, déjà avec le fort de Verdun. Mais déjà, ça coûte cher de faire une pièce d'artillerie comme celle-là. Mais en plus, ça coûte cher de tirer avec. Les obus coûtent hyper cher. Et donc, je me dis qu'au bout d'un moment, ça commence à faire un trou dans le budget de l'armée. Donc peut-être que c'est pour ça aussi hein, qu'à un moment donné, on essaye de se débrouiller un petit peu sans les canons. Et finalement, ça coûte cher pour un résultat qui, au fur et à mesure, va être de moins en moins intéressant. Et en plus, allez, il y a très très peu de grosses Bertha au final qui ont été produites. C'est une dizaine en tout. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'on a comme ça à portée de main. À transporter, bah, c'est extrêmement lourd, donc c'est pas du tout mobile comme pièce, il faut, hein, comme on l'a dit, il faut une locomobile. C'est vraiment, il faut s'imaginer quand on un train, quoi. Mais juste, enfin, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de rail, mais c'est vraiment un train, le truc a des roues, enfin, tout a des roues énormes. Ça prend quand même des heures pour monter le charrois. Donc voilà, il y a aussi sûrement un côté pratique. Il y a des chenilles, non ? Non, c'est vraiment, c'est des énormes roues. Je ne sais pas si on voit les vieux tracteurs là, avec des espèces de planches montées sur les roues. D'ailleurs, on parle de Grosse Bertha. Il faut savoir que c'est un nom qui va durer pendant toute la guerre. Hein. Le but, c'est vraiment d'impressionner l'ennemi. Et d'ailleurs, à un moment donné, on va confondre les Grosse Bertha avec les canons qui vont bombarder Paris en 1918. On va les appeler Grosse Bertha, alors que les Allemands, eux, les appellent les canons parisiens. La Grosse Bertha, c'est des canons plutôt courts. Hein. On a dit, ça tire à une dizaine de kilomètres. Le but, c'est de donner beaucoup de puissance à de très gros obus pour exploser les murs des fortifications, alors que ces fameux canons de 1918, ce sont des canons qui pouvaient tirer à 100 km de distance. Et donc à ce moment-là, les Parisiens se disent quoi, les Allemands sont aux portes de la ville, mais en fait non, ils étaient hyper loin, il y avait toute une technique pour tirer très très haut, pour qu'il y ait moins de frottement sur l'obus. Et bon, ça n'a pas hyper bien marché non plus. Et donc, on va appeler ces gros canons des Grosses Bertha aussi. Mais donc, il ne faut pas confondre. Hein, les Grosses Bertha, ce sont vraiment des obus qui sont créés pour des canons, pardon, pour détruire les forts. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, les Grosses Bertha, lors de la fin de la guerre, si jamais on peut déjà parler de la fin de la guerre, elles vont être complètement démontées. Il ne va plus en rester qu'une, qui va être réutilisé encore plus tard, lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors du siège de Sébastopol. Mais son intérêt sera limité. On arrêtera de faire des Grosses Bertha et on fera d'autres types d'artillerie encore plus performants. Par contre, j'ai trouvé une petite chanson qui nous parle, enfin qui se moque un petit peu des Grosses Bertha. Alors, je vais éviter de vous faire l'entièreté de la chanson, mais je vais vous en citer quelques petits passages. Je vais éviter de chanter pour vos oreilles. Bertha, forte chanteuse et native des scènes, mais elle veut briller sur une plus vaste scène. Ah, badaboum, badaboum, badaboum, sa voix devant couvrir, dit-elle, et faire taire toutes les voix de Belgique et de France et d'Angleterre. Ah, badaboum, badaboum, c'est le Kaiser lui-même qui la ointe et bénit, son fils qui la soutient l'appelle sa grosse marmite. Ah, badaboum, badaboum, badaboum, vrai d'orgueil, il y a de quoi rôter et d'âme, quand la grosse Bertha rote, on l'entend de Rotterdam. Ah, badaboum, badaboum, badaboum, un de nos obus un soir lui fêlera la gueule, à moins qu'elle n'éclate un matin toute seule. Ah, badaboum, badaboum, badaboum, et Bertha remettra son âme musicienne aux mains du vieux bon Dieu de la race prussienne. Ah, badaboum, badaboum, badaboum, sur le bloc de béton qui sera sa pierre tombale, l'Europe fera graver en lettres colossales. Ah, badaboum, badaboum, badaboum, sigille la grosse Bertha qui mourut poitrinaire d'avoir voulu chanter plus haut que son derrière. Ah, badaboum, badaboum, badaboum. Sur cette belle chanson, je propose qu'on se dise au revoir. En tout cas, on était ravis de vous retrouver. Et on vous dit à très bientôt. On vous dit à la prochaine fois. Sur Godéamus.